Mais effectivement, il y a un problème de désertification. C'est intéressant de poser ce problème parce que si on prend, certains scientifiques estiment que si la déforestation de l'Amazonie se poursuit, en réalité, elle est en voie de savanisation. C'est-à-dire qu'en gros, ça va devenir la savane, quoi. Ce qui serait terrible parce qu'en fait, on passerait d'une zone qui est aujourd'hui le poumon de la planète, comme on l'a souvent appelé, c'est-à-dire qui absorbe beaucoup de CO2, à une zone qui va en émettre. Alors, imaginez la catastrophe sur l'effet. En fait, dans le changement climatique, il y a que des effets cumulatifs. C'est-à-dire plus on avance dans la plus on avance dans le pire, plus on est sûr d'y aller. Et donc, c'est ça qui est problématique. C'est ça qui en fait un problème de court terme. C'est ça qui fait que, effectivement, c'est quelque chose qui date du 19e, etc. Le fait qu'il y ait des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais c'est pas pour autant, parce qu'en gros, le débat sur la responsabilité écologique, il a été tranché en disant, on prend en gros les efforts d'évolution d'émissions à partir de 1990 et pas à partir de l'ère pré-industrielle. Alors ça avantage complètement les pays du Nord parce que c'est eux qui ont énormément pollué l'atmosphère auparavant. Et précisément, ce rapport en fait entre pays du Nord et pays du Sud, il s'incarne dans l'idée de beaucoup de mouvements qui s'appellent les mouvements pour la justice climatique. Et qui ont été repris en fait dans la scène internationale par le gouvernement équatorien. Et ce principe, c'est celui de la dette écologique. C'est-à-dire que les pays qui ont pollué le plus depuis l'ère pré-industrielle ont une dette vis-à-vis des pays qui ont pollué le moins. Et au fond, cette dette écologique doit être aussi soldée. Alors qu'on parle sans cesse de la dette économique qu'ont les pays du Sud vis-à-vis des pays du Nord, et au fond ce principe de dette écologique vise à inverser le rapport et à permettre à ces pays de pouvoir aussi mener des politiques à la fois en termes d'énergie renouvelable et de développement social qui soient correctes. Alors, parce que vous voyez, c'est doublement perdant pour ces pays-là. C'est en gros, comment s'organise dans l'espace mondial la production ? Dans les zones périphériques. En gros, mettons l'équateur, ça appartient à la périphérie. Ouais, pourquoi pas. Alors, on va passer du petit. Comme ça, j'aurai un peu de voix ce soir quand même. Alors, il faut appuyer. Il marche. Ah là, non. Là, il y a un bouton là. Là, vous m'entendez. Ah non. Tu peux poser le truc si tu veux. Je le pose là et ça va le faire. Ouais, ok. Et là je parle. Ah non, là, je parle là-dessus. Comme ça c'est bien ou pas? Ouais, parfait. Ça va le faire. Je t'embête pas. Alors. Mais alors. Ouais. Vous voyez, dans les pays périphériques comme l'Équateur, qu'est-ce qu'on produit essentiellement? Des fleurs, des bananes et du caoutchouc. Bon, le caoutchouc, il va servir à fabriquer d'autres choses ailleurs qui seront fabriquées ailleurs. Et en gros, le caoutchouc, il va le vendre, les industries équatoriennes vont le vendre, et c'est un produit où on dégage une faible valeur ajoutée. C'est entre le coût de production et le bénéfice de la vente, on fait pas beaucoup de thunes. Par contre, dans les pays du centre, et notamment en Europe, etc., avec les produits de matières premières des pays périphériques, on va faire des produits à haute valeur ajoutée qui vont permettre de dégager un excédent bien plus important. Donc cette organisation de la production mondiale, elle pénalise forcément les pays périphériques. En plus, elle est complètement invraisemblable du point de vue écologique puisque ça fait un déplacement de matière continu du fait du transport, etc., augmente les taux d'émission de gaz à effet de serre. Et en plus de ça, ensuite, notamment pour les déchets, etc., mais aussi pour l'exploitation de matières premières qui est très polluante, c'est dans les pays périphériques, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est eux qui vont, en fait, subir le plus le coût social, mettons, du changement climatique. Alors, l'autre point qui est extrêmement important à évoquer à propos de cette initiative, c'est que la crainte, parce qu'ensuite, je vais venir sur le processus, et en gros, ça a foiré, quoi. Ils n'ont pas réussi à avoir les sous. Mais la crainte des chancelleries occidentales, des ministères des Affaires étrangères en Europe, etc., c'était que si on donnait les sous à l'Équateur, Et ben ensuite, on allait voir débarquer le Venezuela, la Bolivie, l'Arabie Saoudite, l'Inde. L'Inde, justement, effectivement, l'Inde, c'est un pays extrêmement important là-dedans. Et qui sont en gros dans des situations climatiques semblables, avec des matières premières, etc. Et qui allaient dire, ben, vous avez donné à l'Équateur, alors pourquoi pas nous? Et précisément, c'était le but politique du gouvernement équatorien, c'est que ça se généralise. C'est-à-dire, à partir du moment où ça se généralisait, ça pouvait avoir des effets systémiques extrêmement importants. Alors du coup, je vais très rapidement sur le processus de négociation. De 2007 à 2009, le projet a été monté, une équipe technique, etc. Et bon, alors ça a pas mal changé de responsable. Au début, c'était un intellectuel équatorien qui s'appelle Alberto Acosta, qui a, il y a un de ses livres qui a été publié d'ailleurs aux éditions Utopia ici en France, qui s'appelle le Buen Vivir. Donc justement sur l'interrogation du modèle de développement occidental qui a lieu en Équateur. Et en fait, il a démissionné de l'initiative parce que le président Correa a tout de même tenu à ce que, en gros, l'initiative Yasuni soit le plan A, c'est-à-dire le plan A, c'est ben on arrive à avoir les sous, et que quand même, au même moment, l'entreprise publique pétrolière Petroecuador ben réfléchisse à une éventuelle exploitation. Parce qu'en gros, l'argument de Rafael Correa, c'était de dire on ne peut pas se permettre, étant donné notre forte dépendance au pétrole, de parier uniquement sur la bonne volonté et la bienveillance des pays européens. Bon. Mais du coup, désaccord politique avec Acosta. Ensuite, de 2008-2009, c'est un peu la phase ascendante de l'initiative. Ils se baladent en Europe, ils vont voir tout le monde. Et il y a l'Allemagne, enfin le gouvernement allemand de l'époque, qui était une coalition un peu comme il y a aujourd'hui, là, une grande coalition, je ne sais plus comment ils avaient ça. Et bon, et ben, eux, ils proposent 1,7 milliard, c'est-à-dire la moitié, en fait, de ce que demande le gouvernement équatorien. Donc, c'est une promesse gigantesque, ils sont trop contents, ils repartent, ils disent, ouais, on va avoir. L'Espagne dit, ben ouais, si l'Allemagne contribue, on va contribuer. La France dit, ben ouais, si l'Espagne et l'Allemagne, on va contribuer aussi. Et donc, tout ça, promesse, bon, promesse orale, hein. Il n'y a pas de document. Mais du coup, ils sont tout de même contents, il y a un peu d'écho dans le milieu associatif, écolo, en Europe, etc. Il y a pas mal d'appui, il y a un réseau de collectivités territoriales qui se fait. En France, il y a le Rhône-Alpes Auvergne qui file, c'est une somme symbolique, mais 100 000 euros à l'initiative. D'ailleurs, quand même, pour l'anecdote, enfin, je sais pas si c'est très intéressant, mais il y a le collectif des contribuables lyonnais qui avait du coup porté plainte au tribunal administratif pour dire que quand même donner 100 000 euros à ça, c'était pas dans les compétences de la région. Et c'était vraiment pas normal qu'ils en avaient pas pour leur argent, les contribuables lyonnais. Bref. Et ensuite, en 2010, il y a quand même une décélération de l'initiative. C'est-à-dire que les promesses, bah, en fait, elles vont pas être tenues, qu'il y a un changement de gouvernement en Allemagne. Et que le nouveau ministre du développement de la coopération dit, ouais, enfin, alors lui, il est vraiment de la droite conservatrice allemande, quoi. Alors il arrive, il dit, ouais, c'est quoi votre principe? Je vais payer pour que vous fassiez rien. C'est comme si je payais les pirates somaliens pour pas attaquer nos bateaux, quoi. Alors le mec, il avait pas compris grand chose à l'initiative et sa comparaison était un peu problématique. D'autant que c'est un autre sujet, mais les pirates somaliens, ils vont souvent attaquer les bateaux parce qu'on a tout pêché au large. Bref. Donc voilà, alors face à ça, ils changent de stratégie. Ils disent, bon là on a été sur une stratégie un peu politique, etc. Maintenant on va passer à une stratégie un peu plus technique. On va en gros essayer de jouer le jeu classique du multilatéralisme environnemental. Et donc au lieu de parler essentiellement du changement climatique, de l'aspect subversif de la proposition et de ce que ça pourrait changer au niveau mondial, on va parler de la biodiversité. En gros, vu qu'ils n'ont pas trop voulu s'engager sur un principe terme assez ouvertement anticapitaliste, ben, on va leur dire les petits oiseaux, les petits arbres, c'est sympa, etc. Et donc, ils éditent plein de bouquins. Ils mettent un peu plus au centre de leur diplomatie la question indigène. Et voilà, donc ils font ça, mais finalement, ça n'a pas vraiment permis non plus d'être entendu au niveau international. Et de fait, bah, progressivement, l'hypothèse du plan B, c'est-à-dire celui de l'exploitation de Yasuni, gagne du terrain. Et en août 2013, Rafael Correa annonce l'abandon du projet. Et donc, l'exploitation du bloc, enfin, ça concernait un bloc pétrolier, qui s'appelle le bloc ITT, c'est pour ça que ça s'appelle Yasuni ITT. Et donc, il annonce l'exploitation du bloc pétrolier. Alors, en plus, ça, c'est une rupture politique interne avec une partie des écologistes, etc. Bon. Alors depuis, ça n'a pas vraiment avancé parce que, comme vous le savez peut-être, les prix du pétrole ont rien de chuté fortement. Et le pétrole qui est exploité là-bas est un pétrole lourd. Ça coûte 80$ à produire. Donc en fait, c'est rentable que si le baril est toujours à 120. Alors que maintenant, il est plutôt à 30-40. Donc voilà le truc. Voilà. J'en arrive très. Là, c'est. Hop là. Là, c'est bon toujours ? Oui. Ouais. J'en arrive très rapidement à juste quelques remarques conclusives sur justement ce que ça dit des rapports de pouvoir internationaux autour de la question écologique. Bon, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une certaine forme de logique impérialiste des politiques de développement, au sens où un certain nombre de pays, et bon, notamment, je vais prendre un exemple pour la France, se sentent le droit finalement de s'ingérer au nom des politiques de coopération et de développement dans les affaires internes de ces pays-là, de l'Équateur. Alors, exemple avec Pascal Canfin, qui était ministre du développement, enfin, secrétaire d'État au développement, et donc chez les Verts. Alors, Pascal Canfin, l'équipe de négociation de Yasuni vient le voir et lui dit, bah, quand même, c'est intéressant. Le principe, etc. Il dit ouais, on va y réfléchir, mais nous on a quand même autre chose à vous proposer dans le parc. Et donc, la France a proposé un projet tout à fait différent qui n'avait rien à voir, qui était un projet classique de coopération environnementale, en disant bah c'est vrai, vous avez fait des, enfin j'exagère un peu, mais en gros c'est, vous avez fait des efforts, c'est bien gentil votre projet, mais nous en fait ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a déjà pensé, sans même vous consulter. Et donc, à mon avis, ça incarne bien au fond la logique, on pourrait dire impérialiste, mais aussi un peu le mépris en fait des diplomates européens parfois vis-à-vis des propositions qui peuvent émerger des diplomaties venant de pays périphériques précisément. Bon, ensuite, il y a un autre problème en termes de rapport de pouvoir, c'est que du côté du camp qui était favorable à l'initiative, mettons le camp de la transformation sociale, de l'égalité socio-environnementale, etc., bah, il y avait aussi quand même des tensions, des frictions et des perceptions différenciées. En gros, du côté des ONG environnementalistes, bah, le problème, c'est que ils considéraient que Correa tenait un double discours, qu'en réalité, il avait toujours souhaité faire le plan B, etc., et qu'ils n'ont cessé d'évoquer cette hypothèse au fil même de l'initiative. Alors, ça a contribué probablement à la décrédibiliser un peu, puisqu'en fait, un des discours majeurs qui était tenu médiatiquement sur l'initiative, c'était « ouais, Correa, il ne croit pas », etc. Donc, en fait, l'union qui avait au départ existé au sein de... enfin, au fondement de l'initiative, en fait, va au fil de l'initiative se disloquer peu à peu. Alors, l'argument de l'État équatorien, quant à lui, c'est que ça ne peut pas être de sa faute, puisque la responsabilité morale et politique du changement climatique revient complètement au pays du Nord. Et alors ça, c'est un point de convergence pour le coup avec les environnements, avec les écologistes et les syndicats indigènes, enfin les organisations indigènes. Quant aux États du Nord, eux, bah, ils disent finalement pourquoi on contribuerait à ça, puisque si Yasuni ils vont exploiter, enfin s'ils exploitent, c'est leur décision souveraine. C'est à eux, c'est leur décision souveraine, c'est pas à nous. Donc en fait, ils refusent l'argumentation du commun. La plupart des diplomates disent, ben, c'est la responsabilité de l'exploitation du Yasuni, ben, ça revient à l'État équatorien, je vois pas très bien ce qu'on a à faire là-dedans. Et donc, d'une certaine manière, ils invoquent la souveraineté de l'Équateur, quand, de l'autre côté, dans leur pratique réelle, ils mettent en cause cette même souveraineté en imposant, d'une certaine manière, à l'Équateur, des projets de coopération non discutés avec lui. Bon, alors pour conclure rapidement, on pourrait dire c'est un échec ce projet, puisque finalement il n'y a pas eu les fonds n'ont pas été récoltés et aujourd'hui les travaux pour creuser des puits, etc. ont commencé. On pourrait dire c'est un échec, et en même temps je considère que de la part d'un petit pays comme l'Équateur, d'un État qui, au fond, ne comptait absolument pas dans les négociations environnementales au niveau international, d'avoir réussi à avoir une telle force de projection d'idées au niveau international, à faire qu'on en parle en Europe, à faire que ça soit un sujet de discussion aux États-Unis, que Leonardo DiCaprio y vienne dans le Yasuni, ou que ce genre, bon, à en faire un événement mondial... Déjà, c'est beaucoup. Et le principe qui est posé par cette initiative est un principe extrêmement intéressant, qui n'est pas mort, qui n'est pas terminée avec la décision d'exploitation. C'est quelque chose qui peut être repris au niveau de l'ONU, c'est quelque chose qui peut être repris unilatéralement par d'autres pays, c'est quelque chose que par exemple la France pourrait dire, ben, on a étudié ce principe, cette initiative, et ben, nous proposons des politiques de coopération environnementale sur cette base, ben, de nouveau à l'Équateur ou à d'autres pays éventuellement. Donc il y a des choses extrêmement intéressantes qui peuvent toujours advenir de cette façon-là. Alors pour conclure vraiment sur la COP21, alors ça n'a pas été extrêmement médiatisé, mais les deux discours qui ont été vraiment en opposition aux logiques générales des négociations climatiques, qui au fond sont dans la valorisation de la nature, dans l'idée de tout ramener en fait à des unités, enfin bref, ça on en parlera peut-être après, bon, mais dans le contexte général, eh bien en fait les deux discours qui ont sonné différemment, c'est ceux d'Evo Morales en Bolivie et de Rafael Correa pour l'Équateur. Parce que Evo Morales a dit que de toute façon, le problème essentiel qui était posé par la question climatique, et c'est là encore une fois que la question environnementale rejoint la question sociale, le problème essentiel que posait la question climatique, eh bien c'est la perpétuation et la continuation du système de production capitaliste. Car dans ces conditions, dans la condition d'un système où la seule logique c'est l'accumulation illimitée, où au fond la seule frontière c'est de dépasser cette frontière, eh bien aucune possibilité de continuation de l'existence humaine n'est possible. Sans parler évidemment du bien vivre et de ce qui serait souhaitable de vivre ensemble. De la même manière, Rafael Correa a insisté sur l'inconsistance des mécanismes qui ont été mis en place au moment des négociations multilatérales, et qu'en réalité ces mécanismes ne permettaient pas aux pays développés d'entreprendre des politiques réellement écologiques. Parce que pour prendre un exemple, on parle souvent de transfert écologique, de transfert technologique. On dit, ben oui, il faut faire des transferts technologiques, etc. Et c'est dans les textes depuis fort longtemps, hein, depuis les années 90. Mais enfin, ils n'en ont pas vu la couleur, les transferts écologiques, les pays moins développés. Ils n'ont pas, on leur a pas filé les brevets, et pour une raison assez simple, c'est que en partie les États, notamment la France, ne disposent pas de tous les brevets produits par ces ingénieurs. Parce qu'il y a un tas de brevets, notamment en recherche et développement sur les énergies renouvelables, eh ben, qui sont, où ça, chez Total, par exemple. Parce que Total investit énormément dans la recherche et développement. Et donc, les brevets sont chez Total, et nous ne pouvons rien en faire, et eux décideront de les exploiter au moment où ils estimeront que le pétrole ne leur rapportera plus assez. Mais nous ne pouvons pas, enfin, alors là, je sors un peu du cadre sur l'initiative, mais nous ne pouvons pas laisser notre destinée commune à une grande transnationale pétrolière. Enfin, c'est complètement invraisemblable. Donc, je pense que ce que nous sommes en train, au fond, de construire ici, ce qui se passe avec ce mouvement-là, c'est quelque chose d'extrêmement positif, et puisque c'est le mot d'ordre un peu, j'espère que toutes les luttes finiront par converger. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ça marche là, vous m'entendez? Oui. Non. Comme ça? Oui, il faut appuyer vers le haut, normalement. Là? Ok. Donc si vous avez des questions, maintenant, ou des remarques, ou des... d'autres... Oui? Merci. En fait, je voulais juste savoir si vous pourriez... Je voulais juste savoir si vous pouviez nous parler un peu plus des dettes écologiques des États du Nord. Si elles sont appliquées, si c'est un projet en cours, si ça n'arrivera jamais, ce genre de choses. Oui, mais en fait, la dette écologique, c'est plutôt un principe politique, on va dire. C'est, en gros, c'est un outil politique pour dire la responsabilité du changement climatique pèse davantage et très fortement sur les pays du Nord et les pays fortement industrialisés depuis longtemps. Bon, en gros, les États-Unis et l'Europe au sens large. Alors... c'est vrai que ça pose un sérieux problème d'évaluation économique. On peut pas, en réalité, c'est pas possible d'évaluer économiquement le coût, alors social, etc., qui serait social, environnemental, qui serait à payer par les pays du Nord. Non seulement c'est pas possible, et en plus, à mon avis, c'est pas souhaitable parce que ça supposerait en fait de mettre un prix à la nature, d'une certaine façon. Et enfin ça c'est un vrai débat. Mais la question de la dette écologique, elle est donc surtout politique. Mais alors ce qui est intéressant avec en fait le principe posé par l'initiative, c'est effectivement d'essayer de trouver des mécanismes économiques concrets pour la traduire dans les faits, dans le réel. Et donc c'est dire ben alors du coup voilà là la petite astuce c'est de dire il y a du pétrole dans notre sous-sol, ben c'est ça que vous allez nous payer. Parce qu'en fait, vous n'avez jamais réparé les coûts, les dommages environnementaux, etc. Parce que à côté de ça, l'Équateur est en procès depuis une quinzaine d'années avec Chevron, la Texaco, la grande transnationale pétrolière, parce que pendant des années 60 aux années 90, ils ont fait des, enfin, il y avait pas vraiment de piscines sécurisées de pétrole et tout, donc il y avait des puits. Un peu hop à l'air libre comme ça, et il y avait des indigènes, des enfants, etc., qui se baignaient dedans. Donc il y a énormément de maladies, etc. Donc il y a un procès, l'entreprise a été condamnée par le tribunal de Quito, mais elle conteste le jugement au motif que le tribunal serait pas neutre, etc. Et donc le processus judiciaire est encore en cours. Mais voilà. D'autres questions? Ouais. Faut tirer 90% de ses dettes. Ah ouais, comment ils ont fait annuler la dette? Ouais. Alors, c'est une question intéressante, effectivement, parce qu'elle pourrait se poser un jour pour la France. Alors, mais dans le cas de l'Équateur, en fait, elle a fait ce qu'on pourrait appeler un délit d'initié, mais c'est pas grave parce qu'on les aime bien. Mais en gros, qu'est-ce que c'est un délit d'initié? Ben, en gros, ils sont venus dire à la... Ah, c'était à quelle banque? Je crois que c'est la Banque Populaire, enfin une banque française en tout cas. Et ils sont venus la voir, ils ont dit, on a l'intention de restructurer notre dette, donc est-ce que vous pouvez... On l'a annoncé. Donc ils annoncent, alors les cours de la dette, ça vaut plus rien, quoi, sur les marchés, une fois que tu dis que tu vas pas payer, ça vaut plus rien. Donc les cours de la dette plongent, et ensuite, ils disent à la Banque Populaire, vous rachetez tout. Donc la Banque Populaire rachète tout. Et ça devait valoir 10% de la valeur originelle des titres de base. Et ils disent, les 10%, nous, on va vous les payer 20. Donc la Banque Populaire, en fait, gagne des sous et l'État équatorien aussi. Alors, c'est un peu limite, mais enfin, c'est assez amusant. Enfin, c'est pas très amusant non plus, mais bref, en tout cas, c'est efficace. Voilà. Réaction. Tu peux rajouter quelque chose? J'ai beaucoup parlé dans les... Ah, mais s'il y a personne... Non, je suis tellement fusillé là. Non, non. Ouais. Il n'y a pas d'autres états, il n'y a pas d'autres initiatives de ce type-là qui sont en train d'émerger. C'est intéressant. Ouais. Il n'y a pas d'autres initiatives de ce type-là qui sont en train d'émerger. Ah oui, pour tout le monde, je suis un peu con. Alors, bon. Essayez d'agir. Dans ce sens-là? Ouais. Là, c'est mieux? Ah ouais. Ah ouais, ah là là. Bien vu, merci. Bon, et alors la question était, s'il y a d'autres initiatives de ce type-là qui se prennent, etc. Bon. Alors, pas à ma connaissance, mais il se peut très bien qu'il y en ait. Hein, le monde est vaste, quand même. Mais, si on veut, dans le même ordre d'idées, c'est ce que j'ai essayé de dire un peu, il y a la Bolivie qui aussi a essayé de prendre des positions assez marquées sur le changement climatique au niveau international. Alors, à la différence qu'ils n'ont pas vraiment élaboré, en fait, de solutions techniques... De mécanismes concrets qui permettraient de les insérer en fait dans les négociations internationales. Ils ont pas, enfin ils jouent pas trop le jeu des négociations internationales classiques. Et du coup, bon. Mais c'est intéressant parce que, en fait, la Bolivie essaye de jouer un rôle un peu fédérateur des mouvements socio-environnementaux au niveau international. En fait, notamment avant la COP21 en octobre, il y avait la conférence des peuples pour le changement climatique, où il y avait plein d'ONG, plein un peu international, plein d'associations indigénistes de toute l'Amérique latine, les syndicats, etc. Et ensuite, ils ont fait une déclaration des peuples contre le changement climatique, pour la COP21. Et en fait, de cette déclaration, ils ont essayé de la porter ensuite au niveau international. En fait, il y a un truc technique qu'ils ont essayé d'élaborer, la Bolivie. C'est un indice qui est censé attribuer à chaque pays son budget carbone restant. Alors, en gros, nous, on n'aurait plus rien du tout, par exemple. Mais bon, c'est pas extrêmement finement élaboré, on va dire, mais bon, ils ont essayé de faire une proposition de ce type-là. Voilà. Une petite annonce qui n'a rien à voir. Il y a quelqu'un, une femme probablement, qui a perdu ses boucles d'oreilles. Donc, si elle est là, voilà. Et si elle n'est pas là, on va les garder et on les ramènera demain, après-demain, voilà. Sinon, si vous avez d'autres questions, d'autres réactions, profitez-en, qui arrive est encore là. soit sur l'exemple équatorien, soit sur l'écologie en général. Et les rapports entre écologie et politique et économie. Bon, il y a une commission écologie ici à Nuit Debout. Je ne sais pas si tu en fais partie. Voilà, si vous voulez aussi creuser la question, ces questions-là. Et bon, je meuble. Hein. Commission qui a fait une charte écologique très intéressante que vous pouvez trouver en ligne sur nuitdebout.fr, je pense. Juste un point que j'ai pas vraiment évoqué mais qui me semble important, parce que c'est un problème qui politiquement se pose aussi ici. Comment faire des politiques de redistribution des richesses qui soient écologiquement soutenables, en fait? Et c'est quelque chose d'extrêmement important notamment au Venezuela où il y a eu une réduction vraiment massive de la pauvreté, ils n'ont pas vraiment considéré le problème, ce qui peut tout à fait s'entendre. Mais du coup, en fait, il y a un phénomène qui se développe, c'est la société de consommation, un peu comme ici, quoi. Et donc l'idée que la redistribution des salaires, les pensions, etc. Vont essentiellement alimenter les super malls au Venezuela, etc. Donc en fait, le problème qui est aussi posé, et de manière bien plus claire en Équateur et en Bolivie, c'est le problème des modes de développement et de consommation. Et si je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est à mon avis, trop souvent, l'écologie politique a tendance à poser ce problème-là uniquement en termes de consommation, et pire que ça, en termes de consommation individuelle. Or, si on prend au niveau international, les consommations individuelles d'énergie, c'est 12% des émissions totales de CO2. Donc le problème essentiel, c'est la consommation industrielle et la production. Le sujet essentiel, il est du côté de la production. Alors il est aussi du côté des modes de vie. Mais les modes de vie ne pourront être repensés qu'à partir de la production. Alors il y a des expériences locales, etc., qui peuvent être extrêmement intéressantes et extrêmement fertiles. Mais à mon avis, c'est une illusion de penser qu'on peut poser la question écologique sans poser la question du mode de production. Et précisément, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en Équateur, en Bolivie, mais c'est pas simple du tout pour un pays qui est dépendant de ses rentes pétrolières et des rentes gazières. Parce qu'en réalité, comment sortir du modèle de dépendance économique induit par ça? Par exemple, quand les prix du pétrole ont baissé, le budget de l'Équateur, il a fait moins 2/3 du jour au lendemain. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les fonctionnaires, ils sont payés moitié moins, etc. Et le gouvernement a beau être aussi socialiste, et lui pour le coup pour de vrai par rapport ici, mais il a beau être aussi socialiste qu'il veut, il est obligé de payer ses fonctionnaires moins à cause de la baisse des prix du pétrole. Et donc l'enjeu, qui est un vieil enjeu des pays latino-américains, c'est comment à partir de la rente constituée un capital suffisant pour industrialiser le pays. Encore, ah oui, encore un autre sujet, parce que l'écologie politique parfois est hostile à l'industrialisation. Mais est-ce que c'est mieux, par exemple, que nos t-shirts soient produits en Chine et qu'ils fassent le voyage de la Chine aussi, en Chine en plus dans les conditions écologiques et sociales déplorables, qu'ils fassent le voyage jusqu'ici, et comme ça nous on dit « Oh ben on n'a pas d'industrie, on est propre ». C'est aberrant comme mode de réflexion. Donc l'idée c'est de se poser la question de la réindustrialisation du pays de manière cohérente, planifiée et intelligente. Et de se poser collectivement la question de nos modes de vie. Et c'est ça qui est intéressant dans les débats qui émergent aussi ici. Oui, il y a une question. Ouais, vas-y. Alors, je trouve ça passionnant qu'un pays puisse proposer un projet comme celui-là. Est-ce qu'il n'était pas dès le début voué à l'échec ? En demandant de l'argent, en échange de rien ? Vous allez dire, j'ai pas compris le projet, mais est-ce que ça serait pas plus intéressant de se concentrer sur des projets écologiques qui rapportent de l'argent ? Parce que c'est ça qui fait bouger ceux qui ont le pouvoir de faire bouger les choses. C'est très large comme question. Je synthétise, je répète la question pour tout le monde. C'est un projet très beau, très intéressant, mais qui était un peu voué à l'échec dès le départ. Est-ce que ce serait pas mieux de se concentrer sur les projets écologiques qui peuvent rapporter de l'argent ? C'est une vaste question. Alors, est-ce que le projet était voué à l'échec dès le début ? Bon, la première réponse que je peux donner, c'est que ceux qui ont initié le projet pensaient que non. Parce qu'en fait, ils pensaient que ça pouvait aussi avoir un intérêt. Même en réfléchissant en termes d'intérêt, ça pouvait avoir un intérêt pour les pays d'Europe d'y contribuer. Parce qu'en gros, ça améliorait leur image écologique, etc. Et au niveau international, ça leur permettait de dire qu'ils faisaient des choses au niveau écologique. Donc, bon, au début, ils étaient persuadés, et en plus, ils ont reçu des promesses tout de même assez importantes. Donc, il y a eu une sorte de phase où ils se sont dit, ça va marcher, on va peut-être même recevoir plus d'argent que ce qu'on demande. Et effectivement, ça n'a pas marché. Alors après, est-ce qu'il y avait une nécessité à ce que ça ne marche pas? Moi, je pense que, l'histoire, elle est toujours indéterminée. Donc, il y a toujours une possibilité que ça marche, quoi. Alors, maintenant, il faut croire que les conditions n'étaient pas sans doute réunies à ce moment-là. Est-ce qu'il faut se concentrer sur des projets écologiques qui pourraient être rentables? Alors, c'est ça, en gros. Ouais. Bon, le truc, c'est que la rentabilité, ça dépend pour qui, en fait. Parce que, en réalité, aujourd'hui, on considère dans ce vague modèle appelé gouvernance, que les États, les ONG, les entreprises sont à la limite à égalité pour régler le problème écologique, que tout ça c'est des acteurs en fait. Enfin, c'est des acteurs qui ont des intérêts très différents et c'est des forces qui sont tout de même très asymétriques. C'est-à-dire que le Greenpeace n'a pas les mêmes moyens que Total en ces termes-là. Et Total pourra toujours dépenser un fric fou avec des avocats, des services juridiques et des services de communication pour dire c'est fou tout ce qu'on fait comme projet écologique. On investit dans le marché carbone, etc. Un marché carbone qui est quand même le plus fabuleux échec de l'histoire des négociations environnementales. Parce qu'on a lancé le marché carbone, et en gros, il y a certains États, il faut vérifier lesquels, mais certains États ont obtenu le droit de d'émettre des permis d'émission sur le marché carbone, en gros, pour les échanger. Alors qu'au début, ça devait être fermé pour que les entreprises se les échangent entre elles. Ça a entraîné une baisse totale du prix du titre carbone. Dans le fait, ça vaut plus rien un titre carbone. Et en plus, on n'atteignait pas l'objectif en 2020 ou je sais pas quoi, c'était prévu dans les accords que le titre, il valait plus rien. Donc le truc, ça s'est complètement dégonflé et ça a donné lieu à une spéculation financière assez forte. Il faut se méfier aussi en réalité. Globalement, mon idée, c'est qu'il faut se méfier des mécanismes de marché. Il faut se méfier des mécanismes de marché, car la logique marchande, la logique capitaliste en réalité, elle ne peut pas être favorable à un développement, à des conditions de production raisonnées. C'est pas possible. Et si on prend par exemple parce qu'on pourrait dire, ça a été quand même quelque chose qui a été beaucoup développé dans la théorie, mettons marxiste, autour du changement climatique. C'est de dire, c'est la seconde contradiction du capital, donc En gros, le capitalisme n'y survivra pas à la crise écologique. Mais c'est pas le capitalisme qui n'y survivra pas. C'est si nous n'arrivons pas à créer un modèle qui dépasse le capitalisme, c'est nous-mêmes qui n'allons pas y survivre. Parce qu'il n'y a aucune nécessité à ce que le capitalisme, comme ça, par magie, du fait d'une contradiction interne, ne règle pas ça. Au contraire, les capitalistes se font pas mal de thunes sur la question écologique. Là, il y a un truc qui est absolument invraisemblable. Je vous conseille un livre qui est extrêmement intéressant à ce sujet, qui s'appelle « La nature est un champ de bataille » de Razmik Keshoyan, et qui parle justement de comment, en fait, le capital trouve des interstices pour faire du fric. Eh ben, t'as les assurances climatiques, du genre mettons le Mexique. Ils vont dire, on a un risque de tsunami ou je sais pas quoi, plus élevé, etc. Bon, ok, mais c'est plus facile avec le tremblement de terre. Bon, là, ça va être déconnecté du changement climatique, mais c'est pour prendre un exemple, quoi. Alors, encore, c'est pas sûr que ce soit déconnecté, j'avais lu un truc, bref. Bon, dans le tremblement de terre. Bon, vous êtes assuré de 7,5 à 9 sur l'échelle de Richter. Alors, les types, ils se tapent un 7,4, ça détruit des tas de choses, ça coûte des milliards, et donc ils vont voir l'assurance à qui ils payent un fric fou depuis le début. Ah, mais votre séisme, c'est 7,4, donc salut. On vous paiera rien du tout. Et donc, c'est des mécanismes qui sont invraisemblables, parce que l'intérêt des capitalistes, c'est toujours, de toute façon, de trouver une option rentable pour eux. Non, c'est pas rentable de couvrir les externalités, comme ils appellent ça les économistes. Les externalités environnementales, c'est en gros la pollution, machin, etc. Bon, c'est pas rentable pour eux de payer ça. Et même si on inventait donc des mécanismes de marché pour payer ça, comme c'est le cas, en réalité ils vont spéculer dessus et ils vont arriver en fait à vider le projet et le truc de sa substance. Bon, une dernière question, oui. Alors. Oui, c'est pour aller dans le même sens. Je pense que le capitalisme est fondé sur un simulacre et un double langage, ne serait-ce qu'au niveau de la COP21, quand on a vu que le FMI subventionne à 600 milliards par an les énergies fossiles, donc Total, des choses comme ça. Eh bien, ça n'a jamais été remis en question, malgré tous ces beaux discours. Voilà. Et pour l'Amérique du Sud, il me semble que, par exemple, un petit pays comme le Costa Rica, je crois, a réussi à avoir pratiquement que des énergies renouvelables sur son sol. Et ailleurs, il travaille par coopérative, donc, en échappant, en tentant d'échapper au modèle du profit, voilà. C'est intéressant, effectivement, et c'est vrai que les énergies carbonées sont encore extrêmement subventionnées internationaux, ce qui est hallucinant. Parce qu'en réalité, quel est le discours sur les énergies renouvelables? Oui, c'est dans ce sens-là. quel est le discours sur les énergies renouvelables? C'est de dire, c'est pas réaliste, ça coûte cher, etc. Mais prenons le nucléaire en France. Alors que moi, maintenant, je suis assez hostile au nucléaire, etc. Mais à l'époque où ça a été fait, ça n'aurait jamais été possible de le faire sans un investissement d'État massif. Et ça aurait été complètement non rentable sur les marchés. Donc de la même manière avec les énergies renouvelables, aujourd'hui, il y a un chantier qui s'ouvre et on peut y balancer des dizaines et des centaines de milliards. Je veux dire, on n'est pas dans un pays pauvre, quoi. Et en plus, ça va créer de l'emploi. Voilà. Bon, on doit s'arrêter là, on vous remercie beaucoup et on remercie Jean-Yves pour cette Pierre-Yves pour cette passionnante intervention.